Toujours à l'occasion de l'intégration du général coréen au comité central du parti, les médias étrangers ont fait des rédactions spéciales le 14 juin. Le journal Iran News, le pakistanais Election Times et le bangladais Dainik Prabhat ont donné des articles comme « Le dirigeant Kim Jong-il et le Parti Travail de Corée » pour exalter l'histoire immortelle de sa direction afin de renforcer le parti en organisation révolutionnaire du Tse et parti mère prestigieux. L'Iran News a exposé une photo du dirigeant coréen.